Bien que nos amis marocains, ils vivent dans le Moyen Âge et ça restera nos amis. Et Mais dans l'archaïsme. moi je voulais dire, et tout à fait, je voulais dire, le gouvernement français, même si mon ami Darmanin est dans ce gouvernement, d'ailleurs, ce soir nous avons une soirée cassoulet couscous merguez Dis algérien. le témi de type hasard, le témi le de type Alors, hasard. j'ai une petite question. Pourquoi ils n'investissent pas en Algérie? Pourquoi la France n'investit pas en Algérie? C'est une question très sérieuse, parce que l'Algérie, c'est un pays de cocagne. C'est un pays démocratique et pour moi, c'est le Moi, je leader de vais te l'Afrique. répondre. Pourquoi la Non, France Z, on ne te n'investit donnera pas? pas la Qui parole. êtes-vous, qui êtes-vous, monsieur Ron? C'est indigène qui est de parler. C'est Mais qui indigène êtes-vous? qui parle, Il n'est là. pas fada. Mais qui êtes-vous, monsieur Ron? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Sa Monsieur grosse Karim, perruque, là. Monsieur Karim, j'aurais deux questions pour vous. Mais le pire, celui qui me fait rire, là, c'est le gros Nabil Djilid, là, sur l'équipe TV, là. Oh, Ouais, je jour, vous arrête tout de nuit, suite. 30 C'est un ami et il est beau gosse. Putain, mais comment il est moche, frère, il est beau gosse avec. Il ressemble à mon pied gauche. Il ressemble à mon pied gauche quand j'ai envie de tirer un coup franc. Je Arrêtez suis pas de. d'accord. Il a le regard Rechta nu, de Numidi, comme Massinissa. Il a le regard de Tebboune et Bouguera. Hacha, quand tu pas te bonondier, monsieur, vagin, déjà, chez nous, Écoutez, quand tu pas. nous sommes les descendants de Massinissa. Alors, je vous arrête tout de suite. Calmez-vous. Monsieur Karim, Je suis Monsieur alors, Karim, s'il vous plaît, Monsieur Karim. Monsieur Karim. Alors, Monsieur Karim. j'ai entendu que vous avez corrompu le recteur de la mosquée de Paris, moyennant Oh non, un monsieur, millésime monsieur, 63 de. c'est un ami. Cadeaux, Vous ce êtes sont sûr? des cadeaux entre amis, monsieur. Vous êtes sûr? Écoutez, ma Ne foi, serait-ce pas lié à vos positions sur le écoutez, Sahara marocain? non, non, nous sommes des démocratiques socialistes musulmans. Nous défendons nos frères Sahraouis. Laïque, laïque et athée. Sahraoui. Et Alors débrouillez-vous écoutez, avec ça. si nos amis marocains, ils ont des problèmes avec nos frères Sahraouis, c'est un conflit qui les regarde. D'accord?